L'amour voleur de François Terrocq. Pour un matin se dire qu'une aventure existe, il a fallu d'amour plus de vie que de mort. Mais d'aventure aimée, mortelle est l'ignorance. Une terre qui vous lie, puis un jour vous délie, peuple de condamnés, l'amour est pour les morts. C'est la croix qui le dit. Alors avant, qui avait-il? Un vol de l'espérance, mais qui a-t-on volé? Pour qu'un homme aime une femme, c'est l'homme qu'on a volé, puisque l'homme existait avant la femme. L'invention de l'amour, c'est peut-être pour l'exemple, et les autres ont suivi, où est le bel exemple? De la blanche Sappho qui, en son époque, aurait été aussi haut qu'un homme haut, condamné pour cela de la froideur divine, les femmes parfois divines sont de tueuses beautés. Sappho, c'est le jugé du conseil des sages, de l'amoureux voleur qui aime la couleur, du marbre de Paros sur les sièges antiques, le véritable amour à dos.